Hey. Nigredo, c'est pas nous les voyous, t'as aucune idée. Au fond, je me sens comme Bane. Avant la lumière, j'ai vu l'obscurité. Ils s'entêtent à me souhaiter malheur, mais n'ont pas compris que de me voir mourir, c'est de me voir sourire. Censure et larmes sont les trois mots d'ordre. J'ai trop mal à l'âme, je me fais mal au corps. Ils veulent les loisirs, pas la culture. Comme l'impression de donner du caviar au porc. J'ai comme une douleur à la L5. Ils sont extra claqués comme les L5. La portée de ma colère est métaphysique. Mon frelon dans ma tête, c'est la guerre sainte. Et j'irai au bout, s'il faut que le ciel me punisse. Je veux la sirène comme Ulysse. J'entends l'appel, loin des hommes et loin du vice. Au nom du père et du fils, on droguait les faibles et l'ont appelé oracle. Trafiquant sous la norac, ta vue est trouble. Crois-tu que j'ai mauvaise aura? C'est dans ton œil qu'est l'orage. Le vent alimente. Le feu, c'est tout, le rythme de ma vie. Sur le front, les gouttes, l'amour, la vengeance. Et dans l'âme, les trous, personne m'entend. Mais tout le monde m'écoute. Le vent alimente. Le feu, c'est tout, le rythme de ma vie. Sur le front, les gouttes, l'amour, la vengeance. Et dans l'âme, les trous, personne m'entend. Mais tout le monde m'écoute. Pute dans mon cœur, il neige toute l'année. Mes ennemis sont au courant, je fais pas de pourparlers. Ils comprennent pas ce que je dis, ces chiens sortent d'école de lettres. Ils ont beau se déguiser, je peux voir leur exosquelette. Mes confusions mentales, c'est toute ma folie, mon acuité. S'ils veulent bouger, ça va faire mal, ils ont su perdu dans l'appui-tête. L'homme se corrompt, pour un écu, certains te laissent sur le carreau. Ils font les quinries, ils sont juste marrants comme Sistarel. SO le 31, le Mandinguero. Les autres n'ont vu la violence. En bas j'ai Odachi, je leur traverse le cuir puis l'œsophage. J'ai les mains dans la merde, il me faut la pierre philosophale. Le vent alimente, le feu, c'est tout, le rythme de ma vie. Sur le front, les gouttes, l'amour, la vengeance. Et dans l'âme, les trous, personne m'entend, mais tout le monde m'écoute. Le vent alimente, le feu, c'est tout, le rythme de ma vie. Sur le front, les gouttes, l'amour, la vengeance. Et dans l'âme, les trous, personne m'entend, mais tout le monde m'écoute.